fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy, 94.2. Xavier est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter cette cerise sur le canto, numéro 46, un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, et même des tubes de demain, et puis un jury neutre, impitoyable et incorruptible, qui classe les titres diffusés et établit ainsi le classement. Sans plus tarder, résultat de l'émission précédente, la cerise sur le canto numéro 45, c'était il y a 15 jours. Médaille de bronze pour Catherine Lara, la roqueuse de diamants. Sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo. Monte sur la deuxième marche du podium pour recevoir la médaille d'argent avec sa nouvelle chanson Héros, Patrick Bruel. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne, ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé, qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire. À tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes. À tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité, effacés par l'humilité, effacés par l'humilité. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis enfin aussi à toi, toi qui fais tant et qu'on ne voit pas, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Ça n'étonnera personne, le grand gagnant de la série sur le canto numéro 45, eh bien, n'est autre que Jean-Jacques Goldman. Il changeait la vie. Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Il changeait la vie. Place à la sélection du jour. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, c'est un titre qui s'inspire du peintre Francis Picabia, tiré de son livre Jésus-Christ, Rastaquer. Serge Gainsbourg était un grand admirateur de Picabia, d'où le titre de sa chanson sortie en 1983. Et puis, la chanson apparaît dans un contexte particulier, après la séparation du couple Jeanne Birkin, Serge Gainsbourg. Fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve, Jeanne Birkin. Notre cœur est mis à sang et à feu.

C'est dimanche aujourd'hui. Sous le ciel bleu des beaux jours, refaisant le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime. Une chanson de 1939, sur les quais du Vieux Paris, Juliette Gréco. Quand doucement tu te penches, en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour, sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent, mais dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du Vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du Vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du Vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins des folles promesses, qu'au fil de l'eau, leur écho va compter aux gais moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du Vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du Vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du Vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. En 1971, la France participait au concours Eurovision de la chanson. C'était en Irlande, à Dublin. La chanson choisie était « Un jardin sur la terre » interprété par Serge Lama, composa par sa copine Alice Donna sur des paroles de Henri Dian et Jacques Demarmy. La chanson traitait des chaos de la vie quotidienne et le chanteur exprimait son désir pour un endroit où l'on pourrait trouver la quiétude au milieu de tout le reste. 18 pays participaient et c'est Monaco qui gagnait avec la chanson « Un banc, un arbre, une rue » interprétée par Séverine. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que Séverine ne fut jamais payée pour sa victoire, son producteur malhonnête la volant de ses gains. Quant à la France et à la prestation de Serge Lama, elle n'obtint qu'une 10e place sur 18. Pas terrible, n'est-ce pas? D'autant plus quand on sait que Séverine, la monégasque d'emprunt, était tout simplement française. Il fallait pas le chercher plus loin. Un jardin sur la terre, Serge Lama. À force de courir pour ne rien découvrir, de n'être aventurier que dans ses souvenirs, de faire des voyages comme on fait des affaires, et perdre sa jeunesse comme on gagne une guerre. On arrive à se dire que rien n'est important, on n'a plus rien à dire, on a perdu son temps. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un trompe-misère, l'abri, rien de plus. Un jardin sur la terre pour cultiver son cœur et prendra l'éphémère, ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur au fruit. Un jardin sur la terre, un Éden avant l'heure. Un jardin sur la terre, est-ce pas le bonheur? À force de vouloir vivre à deux pour la vie, au point de s'accoupler avec n'importe qui, de faire de son lit plusieurs champs de bataille, collectionnant les cœurs à défaut de médailles, on arrive à se dire que rien n'est important, qu'on n'a plus rien à dire, on a perdu son temps. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un tronc de misère, un abri, rien de plus. Un jardin sur la terre pour cultiver son cœur et prendra l'éphémère, ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur au fruit. Un jardin sur la terre, un Éden avant l'heure. Donnez-moi un jardin sur la terre. Révélé dans l'émission de La Nouvelle Star en 2014, Isolt revient avec un nouveau projet. Plus percutante que jamais, armée de sa voix si singulière et brute, sans fioriture, la chanteuse de 25 ans se livre sur des notes de piano délicates, balançant entre les graves et les envolées lyriques. Elle aborde ici le thème si complexe de l'acceptation de soi et de son corps. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Corps, Isolt. Depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tout ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, la raison.

et les garder peut-être, grâce à une chanson, dans le cœur des poètes, Jacqueline Dulac. Dans le cœur des poètes, même au mois de janvier, dans le cœur des poètes, poussent des cerisiers, poussent des aubépines, tendres comme le vent, et la neige divine des pommiers au printemps. Heureux celui qui peut, étant un peu poète, heureux celui qui peut dépasser la planète, avoir enfin la tête, le cœur émerveillé, avoir enfin la tête rouge de cerisier. Dans le cœur des poètes, malgré le temps qui court, dans le cœur des poètes, survivent les amours, survivent les richesses de l'enfance effacée, et la folle jeunesse, hélas, trop tôt passée. Heureux celui qui peut, étant un peu poète, éterniser le bleu, éterniser la fête, et les garder peut-être, ces choses qui s'en vont, et les garder peut-être grâce à une chanson. Dans le cœur des poètes, contre vents et marées, dans le cœur des poètes, pousse la liberté. Christophe Mahé raconte les premiers pas de sa carrière musicale. Mesdames, messieurs, écoutez-moi, je n'ai pas grand-chose, à part ma voix. Je ne rêve pas de fortune, juste des lumières qui s'allument. Et si Christophe Mahé a pu réaliser son rêve de musicien, il est devenu l'un des artistes les plus appréciés des Français après 15 ans de carrière. Les paroles sont toujours d'actualité. Tout n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Pensez, une audition ratée en 1997 lors de l'émission Graines de Star, émission animée par Laurent Boyer. Et puis 10 ans passés dans les pianos-bars, ce qui lui a permis de trouver sa couleur musicale. Un rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Moi qui étais loin de cet univers-là, j'appréhendais un peu, et puis finalement, je me suis éclaté. 4 ans de bonheur, et depuis, ça se passe super bien. Casting, Christophe Mahé. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Messieurs, dames, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rester chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas, non. J'ai rien à faire là-bas.

quand on s'en fout de cette terre qui pleure, cette planète dévastée, alors notre vie sera une farce. Quand une larme n'est plus qu'une goutte d'eau, nous sommes à l'est d'Éden. Quand même l'amour n'est qu'un marché sordide, des caresses payées, alors notre vie sera une farce. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne perdons jamais sincérité. S'il n'y a plus rien qui nous réunit, le dernier phare s'éteint et tout sera gris. Quand notre foi ne peut plus s'imposer, nous sommes à l'est d'Éden. Quand tout espoir Dans cette période si difficile de questionnement et de solidarité, un collectif de 350 personnes, artistes, sportifs, journalistes et autres, s'est mobilisé pour porter un titre inédit chanté à l'unisson. Cette démarche, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d'entre nous, afin de soutenir et aider ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer un autre demain. Plus que jamais, restons chez nous et pensons à eux. Et demain, le collectif. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés. Sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore.